Voici Guillermo Guiz. Hola, cabrón. Bonjour les amis. Bonjour les Salut. Amis. Salut. Alors, demain gros changement. Hola. Demain gros changement dans ma vie. Je vais me faire un nouveau tatouage parce que j'ai pas les moyens d'entretenir un chien. Ah, par contre, j'hésite encore sur le tatouage. J'hésite encore sur le tatouage. Soit un pied de porc en hommage à Daniel Morin, soit des signes chinois en hommage à mon manque de personnalité. Suspense. Mais j'ai lu dans Libé ce week-end une histoire qui m'a interpellé à propos de tatouage. Ça s'est passé au nord-est des États-Unis, à Miami, dans le Morbihan. Et vous n'avez qu'à vous en prendre à mon prof de géographie. C'est lui l'incompétent. Moi j'avais envie d'apprendre. Bref, à l'hôpital de Miami arrive un homme totalement inconscient, sans papier sur lui, pur l'alcool, foutu. Appelons-le, je sais pas, Nagui par convention. Là devant ce vieux monsieur inanimé, les médecins ont une réaction typique des médecins. Ils se disent bon, bah, tant qu'à faire, il est là. On est là. Le pot de départ de Manu commence pas avant 15h30. On va le réanimer, non? Ah, Francis, Jonathan, Wilbur, qu'est-ce qu'on fait? On le réanime. Allez, hop, hop, on le réanime. Hop. Et ils se mettent à essayer de réanimer le monsieur. Sauf que sur sa peau, rapidement, il découvre un tatouage ne pas réanimé avec le pas souligné, une signature. Et vous savez quoi d'autre? Un chèque de 1 million de dollars. Non, ça c'est une couille, mais j'essaie d'embellir mon anecdote pour garder un peu votre... C'est comme ça qu'il faut que je fasse ici, c'est terrible, sinon j'ai pas leur attention. 1 million de dollars. Wow, c'est voilà, fou. Merci. Donc les médecins voient juste ne pas réanimer et une signature tatouée sur le torse du monsieur. Qu'est-ce qu'ils font? Bah d'abord, ils le retournent pour vérifier que sur le dos, il n'y a pas un autre tatouage qui dit « Je déconne, hein, les gars, réanimez-moi, hein. Sérieux ou quoi ?» Le serment d'Hippocrate, etc. « Allô, je dis ça, je dis rien. » Genre jeu de piste de tatouage avec en dessous de l'aisselle écrit « Le premier qui me réanime, mes fans de Vianney, sous le scrotum. » Là, vous faites du zèle, mais continuez à chercher, c'est rigolo. Alors, interpellé, déboussolé, désemparé, les médecins ont une réaction typique des médecins devant cette inscription « Ne pas réanimer ». Ils se disent « rien à branler fondamentalement, on réanime, quoi. C'est vrai, on n'a pas étudié 17 ans à la médecine si c'était pour pas médeciner. Merde, c'est vrai, quoi. Sinon on aurait fait gardien de parking comme tout le monde. Hein. Wilbur, défibrillateur, qu'on lui mette un bout à Nagui, prénom d'emprunt. Mais bon, il y a quand même un doute. Cet homme a un tatouage. Ça veut dire quelque chose, un tatouage sur une peau, c'est pas un suçon, quoi. Je dis pas qu'un suçon, ça veut rien dire. Parfois, un suçon, c'est le début de quelque chose de fort. Un suçon, c'est vrai, une chose en amenant une autre, t'as un suçon, hop, voilà, t'as chopé un suçon. Je suis pas là pour faire du suçon bashing, mais juste un tatouage. T'as le temps de changer d'avis, un tatouage entre le nœud. Ne pas et le réanimer, c'est vrai, t'as le temps de changer d'avis, c'est vrai quand même. Du coup, gros cas de conscience, et là ils appellent le service d'éthique de l'hôpital qui leur dit « Ah bah ouais les gars, en effet, il a ne pas réanimer sur la peau, c'est un tatouage, c'est pas un suçon. » C'est ce qu'il disait Guillermo juste avant dans sa chronique, vous avez pas écouté. C'est sur France Inter, on capte plus en longues ondes, mais c'est sur Internet. Grosse audience cette émission, il y a des moments drôles, de la musique, c'est comme rire et chanson en plus prétentieux. Et du coup, le service d'éthique dit au médecin « Bon, ce tatouage... » Il nous dit que cet homme avait peut-être réellement envie qu'on le réanime pas finalement. Et je vous rappelle qu'on est le pays de la liberté, les gars, le Morbihan. Et en plus, il y a un chèque de 1 million de dollars. Là, les médecins répliquent, ils disent « Ah bah oui, en fond, en effet. » Mais quand même, d'un autre côté, il y a peut-être une hypothèse, c'est que ce pauvre homme, son tatouage, peut-être qu'il l'a juste perdu dans un pari. C'est vrai, ça peut arriver. C'est un soir de rigolade comme ça, c'est vite arrivé, effectivement. Un peu de Malibu, un peu de vodka, un peu de pavot raffiné, on met la drogue dans la cuillère, un briquet, on chauffe la drogue, une vanne un peu saillante, et on se retrouve avec I Love Patrick Juvet sur le mot plate. Ah ouais, c'est vrai, vous savez ce que c'est, les là. Oui, bien sûr, vous l'avez vécu tant de fois au réveillon. Voilà, c'est vrai, 82% des tatouages, c'est soit un pari conscient, soit inconscient, finalement. Finalement, décision est prise par l'hôpital de Miami, on le réanime pas finalement. Pourquoi? Parce qu'il avait pas une tête à faire des paris chelous, Nagui, prénom d'emprunt, et il meurt dans la nuit. Vraiment, il meurt. Ça te fait rire, ouais. Et on trouve son certificat officiel et c'est vraiment ce qu'il voulait. C'est vraiment ce qu'il voulait. Tout le monde est content. Fin de l'histoire. Moi, j'ai encore par contre 24 heures pour me décider ce que je vais mettre. Bonne émission, les amis. Prudent quand même. La bande originale. Nagui.